ce mardi 22 juillet. La big soirée Rétro Zouk MFM des top tubes Rétro Zouk des années 80. Ambiance collée serrée. Et défoulement total sur les pistes du Shiva avec les meilleurs DJ des vacances. Ce mardi 22 juillet, DJ Sam et DJ Fredo derrière les platines. Entrée 10 euros plus une conso pour les femmes jusqu'à 23h. Toute l'équipe MFM vous souhaite de bonnes vacances. Du 26 juillet au 10 août, des cyclones de folie soufflent sur les magasins Général Bricolage, Brico Déco, Guadeloupe Carrelage, Homme Déco et Réaction. Plus de 100 000 articles sacrifiés sur l'autel de la vie chère. Bénéficieront de remises jusqu'à 60%. Du 26 juillet au 10 août, bénéficiez dans tous les magasins d'articles exceptionnels à moitié prix. Pour vos grands travaux, vos vacances, vos loisirs, la protection cyclonique. 100 000 articles à prix littéralement sacrifiés sur l'autel de la vie chère. Dans tous les magasins Général Bricolage, Brico Déco, Guadeloupe Carrelage, Homme Déco et Réaction. Pour ces vacances 2025, laissez-vous emporter par la douceur envoûtante de Suave. Le groupe Suave, porté par le talent de Jean-Claude Amboulé et la Youth Production. Jean-Claude Amboulé vous invite à découvrir en exclusivité sa playlist estivale. Trois nouveaux titres à savourer sans modération. La Ligne en moins, interprétée par Jean-Claude Amboulé. Sifflet en moins. Et Mon Petit Coco, interprété par Vanessa Amboulé. Une ambiance chaleureuse, des rythmes suaves et l'âme des vacances. À écouter dès maintenant sur toutes les plateformes. Tous les jeudis soirs, soirée karaoké, moule frites, grillade au restaurant Le Mandiana Shiva avec des artistes invités. Ce jeudi soir, artiste invité Alex Alexis. C'est ça aussi, mais ou qu'à récolter. Le prix de la formule est à 15 euros. Réservation au 05 90 23 53 59 ou au 06 90 15 39 32. Ce vendredi 25 juillet, la soirée Best of DJ, édition rétro, volume 5. Nous allons mettre la barre très haut. Avec les meilleurs DJ de la place, DJ Sam, DJ Pipo, DJ Fredo et en guest, DJ Freddy. Ambiance 100% rétro. Entrée 10 euros plus une conso pour les femmes avant 23h. Possibilité resto disco au restaurant Le Mandiana. Réservation au 05 90 23 53 59. L'amour confiance pour l'endemain. La vie a qu'à réserver en l'amour. Ou tellement beau, ou tellement bien. Ou tellement tout passe si haut. Ou tellement bon, t'es à vous. Moi j'ai toujours la pouvoir d'amour. Oh, pouvoir d'amour. FM. 100% tube dans un instant. Juste après ça.